Malgré les grandes différences politiques entre les présidents qui ont gouverné les États-Unis depuis la fin de la guerre, on ne peut qu'être frappé par la continuité de l'action clandestine pendant ces 7 décennies, au-delà des clivages politiques ou générationnels. Nombre d'opérations ont été initiées par un président, poursuivies par un autre et achevées par le suivant. On ne relève pas vraiment de rupture dans la politique du renseignement sur des sujets comme le Vietnam, Cuba ou l'Indonésie, entre Eisenhower et Kennedy, Kennedy et Johnson ou Johnson et Nixon, ni même sur la lutte antiterroriste entre Bush et Obama. Certes, l'administration Carter a représenté une certaine rupture par rapport à l'ère Nixon-Ford. Elle a pourtant préfiguré 2 grandes opérations des années Reagan, au Nicaragua et en Afghanistan. Depuis Reagan, on constate globalement un moindre intérêt intellectuel des présidents américains pour les affaires internationales, à l'exception peut-être de George Bush père. Cela renforce l'importance de l'entourage, en particulier le conseiller national à la sécurité et le secrétaire d'État, qui étaient déjà des personnages prépondérants dans les années 1960. La figure la plus marquante, qui a d'ailleurs cumulé ces 2 postes, est celle d'Henry Kissinger, omniprésent sur les questions internationales de l'époque Nixon-Ford. D'une intelligence redoutable, il incarne l'idéal type de l'intellectuel conseiller du prince, mais refusant les responsabilités qui vont avec son influence. Un cran en dessous dans l'ordre hiérarchique, les directeurs de la CIA ont évidemment joué un rôle majeur dans cette histoire. Il faut mettre à part la figure tutélaire d'Allen Dulles, qui a incontestablement donné à la CIA son rang de première puissance du renseignement, ex aequo avec le KGB, mais au prix d'une gestion capricieuse et d'une troublante absence de principe. On peut ensuite distinguer Richard Helms, qui a en quelque sorte hérité de tous les maux de l'agence et de l'administration Nixon, à une époque où il devenait public, mais qui a également su lui éviter de sombrer complètement en sachant dire non au président dans l'affaire du Watergate, fait rarissime dans l'histoire. Survivance de l'OSS, William Casey a de son côté marqué les années 1980 par un retour temporaire à l'action, au détriment de la loi. Dans les années 1990, George Tenet est sans doute, par sa personnalité et sa connaissance des dossiers, le seul directeur à avoir marqué l'agence, mais sans réussir à la redresser. Toutes les tentatives de grève d'un directeur venu de l'extérieur ont échoué, si l'on veut bien admettre que Casey, par son expérience de l'OSS, appartenait à l'histoire de la maison avant d'y entrer, à l'exception peut-être d'un Léon Panetta. À part Helms avec Nixon, tous ces directeurs ont eu des relations de proximité avec les présidents qu'ils servaient. Sous Eisenhower et Dulles, puis sous Reagan et Casey, enfin sous Obama et Panetta, la CIA a clairement été le moteur des opérations clandestines, faisant valider par le président des schémas prêts à être exécutés. Avec Kennedy, Johnson et Nixon, la CIA est devenue une boîte à outils à la disposition du président, qui avait tendance à y chercher la solution à tous ses problèmes. Sous Trump, la défiance a dominé les rapports avec la Maison-Blanche, même si Mike Pompeo a donné assez de gages de loyauté pour être admis dans le premier cercle. Quels qu'aient été les acteurs, s'est posée à chaque fois la question de la distance entre l'autorité politique et le renseignement. Méfiance et sous-utilisation chez Jimmy Carter, Bill Clinton et Donald Trump, fascination et sur-utilisation chez Kennedy ou Johnson, sur-utilisation froide chez Obama, mépris chez Nixon, ignorance et sympathie chez Reagan. Il semble que les 2 entités n'aient jamais posé les bases d'une relation équilibrée, en partie parce que le directeur de l'agence doit son poste au président, qu'il peut le révoquer à tout moment, alors qu'une certaine continuité est nécessaire. Il faut presque avoir dirigé soi-même l'agence comme Bush senior pour savoir ce qu'on peut lui fixer comme objectif et comme moyen. Mais il ne semble pas que ce savoir se transmette de père en fils. La question sous-jacente de cette relation entre CIA et pouvoir politique est celle des limites, et il semble qu'elle n'a pas souvent été posée. Soit par secret entourant certaines activités, sous Dulles, soit par obsession anticommuniste, soit par inconscience. Les directeurs et, dans une moindre mesure, les agents sur le terrain, ont souvent dû décider par eux-mêmes de leurs actions, et ces décisions, avec le recul de l'histoire, ont souvent été fautives. La supervision du Congrès a été de qualité variable selon les époques. Elle dépend en grande partie de la personnalité et de la longévité des sénateurs qui composent la commission sur le renseignement. Souvent passionnés par le sujet, divisés entre sensibilités différentes, ils sont aussi sollicités par des préoccupations politiques locales et partisanes. Ils disposent de moyens de coercition limités vis-à-vis des directeurs de l'agence qui ont chacun leur méthode pour ne pas tout dire. Mais le Congrès a tout de même un pouvoir réel d'investigation qui, dans certains cas, a débouché sur des mises en cause sévères, lesquelles commencent à être contestées. L'agence dispose également en interne d'un inspecteur général qui est souvent contourné dans le feu de l'action, mais dont les rapports a posteriori peuvent représenter une véritable sanction, quoique plus discrète. Reste enfin la presse, qui peut enquêter après coup, mais a besoin pour cela d'une ou plusieurs sources, lesquelles ne parlent que dans des circonstances bien particulières. Il est frappant que dans ces dernières années, la grande presse écrite américaine n'ait pas été la plus en pointe dans les enquêtes sur la CIA. Le rôle est désormais assumé plus volontiers par la presse étrangère et les sites d'investigation qui publient les documents que font fuiter les lanceurs d'alerte. Cet arsenal est-il adéquat? Il est évidemment nécessaire, mais sans doute pas suffisant, puisque encore de nos jours, la CIA se rend coupable d'actes injustifiables qui susciteront sans doute des sanctions, tandis que l'on essaiera à nouveau de comprendre comment tout cela a été possible. Vous avez entendu Le Livre Noir de la CIA d'Yvonique de Noël, lu par François Caudrel. Réalisation Sixtine et Arnaud Maton. C'est une production des éditions Sixtreed. Merci et à bientôt chez Audible.